chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini. On vous offre le F-150 neuf à 0% jusqu'à 72 mois sur les modèles sélectionnés. De plus, obtenez plus de 5 000 $ en valeur totale, incluant 2 500 $ en allocation et livraison. Les membres Costco admissibles reçoivent aussi un rabais de 1 000 $. Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini, 418-276-1316. Là où l'expérience est inégalée, toute notre équipe vous invite à visiter notre page Facebook pour les différentes promotions. Jean Dumas Multi-concessionnaire. Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. On va parler du marathon du Rose des Sables qui se déroule actuellement au Maroc. Pourquoi qu'on vous en parle? Parce qu'il y a une équipe de Dolbeau qui est en tête actuellement au premier rang. On est chanceux. On a un correspondant qui est au Maroc. Il est du journal Le Quotidien, Pascal Girard. Salut Pascal. Salut Denis. Pascal, qu'est-ce qui t'attire au Maroc à suivre ça? Est-ce que tu y vas comme journaliste ou comme ou tu y vas pour vivre l'expérience? Ah, écoute, pour te raconter l'histoire rapidement, je suis au Maroc à cause de Guylaine Tanguay. Ah oui, Guylaine Tanguay de Gironville. Okay. Exactement, c'est fou comme ça. J'ai fait un article il y a environ 3 semaines, 1 mois. Okay. J'étais au Fait divers au quotidien et je m'occupais je devais dire quels étaient les finalistes de la région dans le gala de la disque. Okay. Ma chef de pute me dit, regarde la liste, j'ai vu Guylaine Tanguay. Là, je me disais, hey, une artiste country, en plus de la région, en nomination pour artiste féminine. Je vais essayer d'y parler, même si je suis au fait divers, je suis pas aux heures du tout. J'ai écrit son attaché de presse, et finalement, dans 30 minutes, je parle à Guylaine, et puis, très sympathique d'ailleurs. Ouais, ouais. Et puis, le lendemain, je continue à contacter avec son attaché de presse, je la félicite parce qu'elle est rapide et tout et tout. Le lundi d'après, elle m'envoie un courriel. Elle a une agence de communication. Je me suis dit, bon, ça y est, elle m'a mis sur sa liste d'envoi. Je vais recevoir des courriels à chaque fois qu'on va faire un lancement à Montréal. Ça m'intéresse pas. Mm. Du coup, je lis même pas le courriel. 2 heures après, je prends le temps. Elle avait écrit bonjour Pascal. Je dis, bon, ben, elle a fait l'effort de mettre mon prénom. Et je lis le courriel et elle m'offrait, parce que sa compagnie de communication s'occupe des coms du Trophée Rose des Sables au okay. Canada. Okay. Et là, elle m'offrait ce que ça tente de venir couvrir au Maroc le Trophée Rose des Sables. En bon français, un fou de... Ben oui, c'est fou. C'est fou. Bien, j'ai atterri au Maroc 3 semaines après. Et puis bon, je suis ici pour Le Quotidien. Journaliste, j'allais dire temps plein, c'est plus que temps plein. Mais peut-être des gens qui ont des difficultés à croire que je travaille, là. Mais effectivement, je suis journaliste au quotidien comme je suis tous les jours, normalement, à 5. Ben pourquoi pas Sauf que là, mais je suis en plein désert du Maroc. Pourquoi pas ajouter oui. l'utile à l'agréable, dans le fond, là? Écoute, je travaille beaucoup. Tantôt j'ai fait un petit tour, j'ai fait un peu de tourisme. J'ai pas beaucoup de temps de faire de choses en dehors parce que je suis sur le terrain dans une voiture. Bien évidemment, c'est pas moi qui conduis, j'ai un chauffeur. Je suis sur le terrain avec les filles toute la journée. Donc c'est des étapes. Bon, comme on l'a vu dans les derniers jours, il y a des filles qui ont été 12, 13, 14 heures. Sur la piste. Moi, je suis là 7, 8, 9, 10 heures. Ensuite, je reviens au camp de base. C'est un bivouac en plein désert. Et là, je fais mes entrevues avec les filles. Et c'est par la suite que j'écris. Donc, c'est des longues journées. J'ai pas de temps en dehors de ça, mais c'est tellement beau. C'est tellement incroyable. C'est tellement dépaysant. J'ai vu des choses ici incroyables. On s'imaginerait que c'est surtout du sable, le désert. Il y a des petites portions, c'est ce qu'on vient de faire les 2 derniers jours. Le reste, c'est comme sur Mars. C'est aride, c'est de la roche. Okay. C'est vraiment impressionnant. Mais écoute, je pensais m'atterrir ici, là, ça c'est sûr. OK. Pascal, parle-moi des 2 filles de Dolbeau. Premièrement, je ne savais même pas que 2 filles de Dolbeau est en tête. Elles participent au tournoi des Roses et ça, mais ils sont en tête en plus de ça. Tu disais ce matin 76 secondes. Donc, 76 secondes, c'est-tu beaucoup? Ouais, ben 76 points. Ouais, c'est-tu beaucoup? C'est 76 points. La façon que ça fonctionne, c'est que c'est exactement les mêmes règles que n'importe quel rallye, sauf que le temps ne compte pas. Okay. C'est une question de... Les filles se font donner un carnet avec des indications et des distances. Et celle qui gagne à la fin de la journée, par contre, par exemple, aujourd'hui, il y avait une épreuve de 80 km, c'est les filles qui réussissent à avoir la distance le plus près total en étant passées par des points de contrôle physiques, mais il y a des points de contrôle virtuels. Donc, les filles suivent ce qu'on appelle un carnet de route. Elles ont une boussole, elles n'ont pas de GPS. Et donc, ça dit un tant de degrés nord, il y a un ruisseau, vous tournez à droite. Et les filles doivent trouver leur chemin. Évidemment, okay. Les filles se perdent des fois, les filles se trompent. Donc, Cynthia Ouellet et Mireille Marcil, après les deux premières journées, est au premier rang parce que ce sont elles qui se sont rapprochées le plus de la distance idéale sans avoir de pénalité ou avoir trop de pénalité. Donc, c'est tout un système de pointage. Au total, il y avait 143 équipes au départ. Et puis, après deux jours, les filles, à leur grande surprise, étaient au premier rang. Sauf que là, il y a un autre classement qui va sortir. Il y avait deux jours où les étapes étaient séparées. Une moitié faisait une étape et l'autre moitié faisait l'autre. Donc, on a attendu après deux jours de remettre le classement à jour. Il va être remis ce soir, là, plus tard que moi, je vais me coucher. Donc, demain matin, le classement va être à jour après quatre étapes. Est-ce que les filles seront encore en tête? OK. Les filles, est-ce que tu les as parlé? Ils en profitent, là. Ouais. Tu les en as parlé, les filles sont surprises, mais est-ce que le plus dur reste à venir? Absolument pas. Écoute, il y avait une étape très, très, très, très difficile, la deuxième, 171 km. Plusieurs l'ont terminée de nuit. Il reste une étape. Difficile, étalé sur deux jours, 250 km. Et 250 km, quand on sait notre chemin sur l'avant, ça va bien. Mais 250 km en plein désert avec des indications sommaires ou une boussole, c'est très long. Donc, ce 250 km-là va être divisé en deux et les filles couchent en chemin dans le désert demain soir. Et par la suite, complètent la fin de l'étape. Donc, il reste une étape de 250 km sur deux jours. Le classement va être mis à jour. Mais il faut se dire une chose. Les filles sont contentes d'être en première place, mais c'est du bonus. Ah ouais. C'est ça pourquoi les filles sont ici. C'est de profiter, c'est une expérience pour se dépasser. Et en plus, comme vous avez pu voir dans le quotidien, ces deux filles-là, en plus, il faut ramasser 25 000 $ pour qui ont récolté à Dolbeau-Mistassini pour une bibliothèque dans une école au Maroc. Donc, les filles ont fait plus que ce que le client demandait. Ben, effectivement. En terminant, Pascal, est-ce que le rallye Rose des Sables, ça fait longtemps qu'on en entend parler. Est-ce que c'est sûr que ça se fait dans le désert, mais est-ce que c'est populaire? Est-ce que c'est vraiment mythique comme épreuve? Écoute, c'est populaire, c'est toujours en bête. Hein? Ouais. Je veux dire, c'est pas un événement, il n'y a pas de foule, là. Okay? Il n'y a pas personne qui vient voir ça. Mais tu sais, c'est connu parce que à chaque fois qu'une équipe participe, c'est des équipes qui ramassent des dons dans leur communauté et qui s'étalent sur un an et demi, deux ans. Donc, c'est connu pour ça. C'est qu'à chaque fois qu'il y a une équipe dans une municipalité, on en parle pendant un certain temps parce que les filles amassent des fonds, un pour participer. Puis aussi, bon, il y a des actions communautaires qui sont faites pour les enfants ici du Maroc. Donc, c'est connu pour ça. Mais je veux dire, comme tel pour l'épreuve sportive, tu sais, c'est pas en direct à TF1. Non. Mais c'est des épreuves qui sont suivies dans les communautés d'où les filles viennent. Et en plus, tu sais, comme journaliste, Dani, quand j'ai la chance de faire un texte plus sportif, que c'est nos filles qui sont en tête, bon, on se garde. Ben effectivement. Pascal, j'aimerais ça t'en parler demain, si c'est possible. Je ne sais pas si pour voir un peu que. Demain, j'aimerais beaucoup te garantir. Moi aussi, demain, je dois dormir en plein désert. OK, OK. Tu me fais signe. Si j'ai. En principe, dans les tentes de presse, j'ai du Wi-Fi en tout temps. Mais lorsqu'on est dans le désert, mais c'est surprenant. Je veux beaucoup parler au lac du Wi-Fi jusqu'à lac Bouchette, jusqu'à la Tuque. Ici, là, demande-moi pas quelle technologie ils ont. Mais j'ai près du 3G puis du signal tout le temps dans le désert. Ah oui? J'aurais pensé l'inverse. J'aurais pas mal mieux servi dans le désert du Maroc qu'en montant à la Bouchette. Et monsieur! OK, on s'en parle demain. C'est fou comme ça. Demain ou plus tard, jeudi. C'est un signe. OK, merci Pascal Girard qui nous parlait en direct du Maroc. Les deux filles de Dolbeau-Mistassini sont en tête actuellement.